Chapitre 6. Trois semaines plus tard, une voiture conduite par Martin, le second chauffeur, emmenait Gemin vers Aix. M. de Rambertin, ainsi que l'avait dit M. de Camparène, se tenait à son entière disposition pour les recherches nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage mis en train par le châtelain de Brussoles. Elle fut accueillie avec affabilité par cet ancien officier, d'abord un peu froid et d'une grande distinction. Sa fille, Delphine, laide mais gracieuse et d'esprit vif, amusant, plut aussitôt à Gemma. Ils habitaient tous deux dans un vieil hôtel légué par un oncle du commandant, ancien magistrat issu d'une longue lignée parlementaire. Gemma apprécia vivement le calme, la distinction de cette ville aux belles fontaines, le charme de cette campagne provençale que Mademoiselle de Rambertin entreprit de lui faire connaître en l'emmenant dans sa petite voiture, quand elle ne travaillait pas aux recherches dans les archives privées dont M. de Rambertin lui facilitait l'accès. Le père et la fille avaient une grande amitié pour M. de Camparène et Delphine faisait beaucoup d'éloges de Lionel, si courageux dans son malheur, si charmant de caractère. « C'est nous qui avons fait son second mariage, » dit-elle à Gemma. « Juliette de Nègrelise nous était un peu parente. » Elle vivait avec son père dans une petite bastide à 10 kilomètres d'ici. Pénible existence près d'un homme aigri par la mort d'une femme très aimée, par l'appauvrissement et l'ennui. Elle travaillait au jardin, au ménage, aidant une servante infirme, essayant de contenter son père, qui ne trouvait jamais rien à son gré. Malgré tout, elle était gaie, ne se plaignait pas. Une jolie enfant, un peu frêle, mais bien portante. 18 ans. Je l'ai emmenée un jour à Bruxelles, elle a conquis Lionel, qui l'a fait demander en mariage par mon père. Monsieur de Nègrelise a dit oui avec empressement. Juliette était ravie, Lionel lui plaisait et son bon petit cœur se réjouissait à l'avance de mettre quelque joie dans sa vie d'infirme. Le mariage s'est fait dans la chapelle de Bruxelles. Mon père et moi étions ses témoins. Quelle délicieuse petite mariée! Mais quand je suis venue passer quelques jours à Bruxelles, un an plus tard, je l'ai trouvée changée. La naissance de sa petite fille l'avait sans doute assez fortement éprouvée. D'après ce que m'en a dit ensuite Madame de Camparène, elle ne s'en est jamais bien remise. Après avoir langui pendant 2 ans, elle est morte, et ce pauvre Lionel s'est trouvé encore une fois veuf. Un jour, en revenant d'une promenade, Mademoiselle de Rambertin montra à Gemma une petite bastide, au mur d'un rose passé, posée au milieu d'un jardin où toutes les fleurs du printemps provençal s'épanouissaient. « Voici la demeure de Monsieur de Nègrelise. Depuis le mariage de sa fille, une de ses sœurs, célibataire, habite avec lui. Ils ne s'entendent guère, car elle aussi est peu facile de caractère. » Gemma regarda longuement le simple logis où avait vécu Juliette. Quel contraste avec l'imposant et fastueux Bruxelles! Elle imaginait volontiers l'éblouissement de cette jolie Juliette et sa joie quand lui avait été offert ce sort enviable de devenir la femme de Lionel. Enviable, oui, au point de vue fortune. Mais Lionel, tout séduisant qu'il pût paraître à beaucoup et son infirmité mise à part, continuait d'être pour Gemma l'objet d'une antipathie invincible. Et si l'on considérait la physionomie de Juliette sur la photographie placée au chevet du lit d'Auberte, il fallait bien penser que, de façon ou d'autre, ce mariage ne lui avait pas donné le bonheur. Quelques jours plus tard, Gemma prit congé de ses hôtes. Ceux-ci, répondant à une invitation de M. de Camparène, lui donnèrent la promesse d'aller faire un petit séjour à Bruxelles au cours de l'été. La voiture des Camparène l'emmena vers Nice, où elle demanda au chauffeur de s'arrêter afin d'y faire quelques emplettes. Mais elle ne s'attarda pas. Elle éprouvait une hâte de regagner le château, hâte sans motif, car elle avait reçu la semaine précédente un mot de Mao, où celle-ci témoignait du même enchantement, lui redisait l'amabilité de tous, et particulièrement de Madame de Camparène, qui l'avait emmenée à Cannes, où elle lui avait offert un délicieux chapeau. « Monsieur Salvatore de Camparène est arrivé hier », ajoutait-elle à la fin de cette courte lettre. « Je ne l'ai pas encore vu. Il est venu chez ses grands-parents pendant que je me promenais avec Joyce et Aubert. Il paraît que Madame de Camparène n'est pas réellement sa grand-mère, car son père était né d'un premier mariage du comte. » Sur la route de Bruxelles, la voiture où se trouvait Gemma fut dépassée par le cabriolet qu'elle avait déjà vu devant le grand hôtel de Cannes, et elle reconnut, dans celui qui tenait le volant, le jeune homme brun entrevu un instant ce jour-là. Dans le grand vestibule du château, Sylvestre, le vieux maître d'hôtel, l'accueillit et prit des mains du chauffeur valises et paquets. Il annonça « Mademoiselle Mao attend mademoiselle dans sa chambre ». Sur le palier du second étage, Joyce surgit de la salle d'études et se jeta au cou de Gemma. « Oh, que je suis contente, mademoiselle! Vous voilà enfin, et vous allez savoir la grande nouvelle !»« Allons, allons, petite bavarde, taisez-vous !» Au seuil d'une pièce voisine, paraissait Mao, souriante, radieuse plutôt, les mains tendues vers sa sœur. « J'avais hâte de te voir. Viens vite, que je te raconte !» Elle l'emmenait vers leur chambre et, la porte fermée, lui jetait ses bras autour du cou. « Oh, ma chérie, quelle joie !»« Quoi donc ?» Gemma se sentait tout à coup comme oppressée. « Je suis fiancée à Lionel !» Gemma eut un raidissement de tout son corps. « Fiancée à... » Mao se recula un peu en fronçant les sourcils. « Pourquoi fais-tu cette tête-là? Cela ne te plaît pas ?» Gemma fit un effort pour surmonter l'impression pénible qui venait de la saisir. « À vrai dire, non, ma chère Mao, je ne t'ai pas caché qu'il ne m'est pas sympathique, que j'ai cru sentir de la fausseté. »« Oui, oui, tu m'as dit ces sottises. Un homme si charmant, d'une telle délicatesse. Tant pis s'il ne te plaît pas. » Mais moi, j'en suis amoureuse et je suis sûre d'être follement heureuse avec lui. » La joie, le triomphe brillaient dans ses yeux, semblaient s'exhaler de toute sa personne. Gemma s'avança vers elle et l'embrassa. « Eh bien, si tu crois trouver là le bonheur, je ne souhaite que cela, Mao, tu le sais bien. J'aurais voulu cependant que tu aies plus de temps pour le connaître mieux, pour réfléchir. » Réfléchir à quoi ? Ce mariage représente tout ce que je désire. Un beau nom, une grande fortune, un mari séduisant et très épris. Que voudrais-tu de plus ? Oui, en vérité, que pouvait-on demander de mieux pour cette âme légère qui cherchait surtout dans la vie la satisfaction de ses goûts de luxe, d'élégance, de plaisir ? Après tout, elle ne souffrirait probablement pas de cette fausseté de Lionel dont elle ne s'était même pas aperçue. Mao continuait, animée, un peu fiévreuse. Et une famille si parfaite en outre. Madame de Camparène se montre pour moi une véritable mère. Vois cela. Elle désignait, étendue sur un fauteuil, une robe de crêpe blanc ornée de délicates broderies d'argent. Elle me l'avait fait faire en cachette et me l'a offerte hier pour le dîner de fiançailles qui a lieu ce soir. N'est-ce pas charmant ? Certes. Refoulant un soupir, Gemma se forçait à sourire. Madame Tchernine sera là, et puis Salvador est de Camparène. Pas bien aimable, le cousin. Lionel ne l'aime guère, et je crois qu'il a bien raison. J'ai remarqué, en effet, chez lui, un certain ton d'animosité quand il en parlait. Il m'a dit qu'il n'avait jamais pu se souffrir. Salvatore a un caractère orgueilleux, difficile, qui a toujours résisté à la douceur, à l'affabilité de son cousin. Mais il est 6 heures, Lionel m'attend en bas. Je te laisse, chère, à tout à l'heure. Ah, regarde ma bague, est-elle superbe ? Elle faisait scintiller devant les yeux de sa sœur le diamant qui ornait son doigt. Et j'aurai de très belles perles, m'a dit Lionel. Voilà ce qui comptait, voilà ce qui l'a transporté. Gemma, demeurée seule dans sa chambre éclairée par les feux du soleil couchant, ne se contraignait plus pour dissimuler cette impression de tristesse, involontairement un peu méprisante, que produisait toujours chez elle la futilité de Mao. Il s'y ajoutait, cette fois, l'anxiété que la nouvelle de ses fiançailles venait de jeter en elle. Lionel lui inspirait un sentiment qu'elle avait peine à définir. Elle n'osait le qualifier de répulsion. Mais elle détestait tout en lui, son regard, son sourire, sa voix caressante. Tout ce qui plaisait cependant à d'autres et qui avait dû charmer avant Mao, Lady Laura, Juliette de Nègrelise. Deux jeunes femmes, vite fauchées par la mort. Mao serait la troisième épouse. Avait-elle un seul instant, dans l'éblouissement causé par cette demande en mariage, songé à celle qui l'avait précédée et qui reposait, côte à côte, dans la crypte de la chapelle du château? En essayant de secouer sa préoccupation, Gemma s'habilla pour le dîner. Puis elle se rendit dans la salle d'études où l'attendaient Joyce et Hubert. L'aînée, de nouveau, bondit vers elle, toute joyeuse. « Vous savez maintenant, Mademoiselle Mao va épouser papa. Elle sera notre belle-mère. Oh, je suis contente, elle est si gentille !» Hubert s'approchait, levant sur la jeune fille son regard timide. Gemma l'embrassa, puis les interrogea toutes les deux sur leurs occupations pendant son absence. Mais Joyce revenait sans cesse à ce mariage de son père qui semblait lui causer tant de joie. Un peu avant 7 heures, Gemma regagna sa chambre. Mao finissait de s'habiller. À son poignet, elle portait un bracelet que venait de lui offrir Lionel. Une chaîne de platine dans laquelle s'incrustaient des saphirs et des brillants. Comme les deux sœurs quittaient leur chambre, une porte fut entr'ouverte sur le palier, laissant apparaître la tête de Zora. Une sorte de ricanement se fit entendre. Puis le battant fut brusquement refermé. « Cette odieuse créature !» dit Mao. « Elle rôde tous ces jours-ci autour de moi. Lionel ne peut pas la sentir, Laetitia non plus. Mais Madame de Camparène s'obstine à la garder. » Elle prétend que cette affreuse naine lui porte bonheur. Quelle affreuse superstition! Dans le salon jaune, toute la famille était réunie. Le comte et la comtesse de Camparène, Lionel, Donna Laetitia, Salvatore, plus Brigida Tchernine, fort à son avantage dans une robe de satin noir qui faisait ressortir la blancheur de sa peau. Près d'elle, Laetitia, vêtue d'une soie couleur de framboise, avec un cercle d'or et de rubis dans ses cheveux noirs, formait un éclatant contraste que semblait considérer avec intérêt Salvatore de Camparène au moment où mesdemoiselles de Fonteillon firent leur entrée. « Ah, vous voilà, cher enfant !» dit le vieux comte. Il venait vers Gemma, lui prenait la main et la baisait. « Vous nous avez bien manqué !» « Tous, nous sommes ravis de vous revoir. »« Et nous vous avons préparé une surprise, » dit Lionel. Il se levait, prenait ses cannes, faisait quelques pas qui le rapprochèrent de Gemma. Celle-ci dut faire effort pour ne pas retirer sa main quand il y posa ses lèvres. « Une vraie surprise, en effet, » répliqua-t-elle avec un sourire contraint. Elle s'avança pour saluer Madame de Camparène, puis serra la main de la comtesse Camparini et de Mademoiselle Tchernine. Monsieur de Camparène présenta « Mon petit-fils Salvatore, qui vient faire un séjour près de nous. » Salvatore s'inclina. Gemma rencontra le regard attentif de ses yeux sombres, entrevus un jour. La voix douce et railleuse de Lionel s'éleva. Mademoiselle Gemma est une admiratrice de tes œuvres, mon cher. Vous me faites trop d'honneur, mademoiselle. Ce sont de simples œuvres d'amateurs. La voix, la physionomie de Salvatore n'était que froideur. Il n'est pas défendu à un amateur d'avoir un grand talent, dit Laetitia. Son lourd regard enveloppait Salvatore. Brigida Tchernine eut un léger rire en répliquant « Salvatore est trop modeste, il met ce talent sous le boisseau. C'est presque un crime, mon cher ami. »« Eh bien, criminel, je resterai donc. Et sans repentir, je vous l'affirme. Je travaille par goût, pour mon plaisir, et non pour celui d'autrui. »« Belle affirmation d'égoïsme, » dit Lionel. Un petit rictus tordait sa bouche sinueuse. « Un égoïsme qui ne fait de mal à personne, en tout cas. » La sèche réplique donna à Gemma l'impression d'un soufflet lancé à la face de Lionel. Mais celui-ci n'en parut autrement touché. Se tournant vers Mao, il lui adressa le plus caressant de ses sourires. « Eh bien, cher Mao, votre sœur a-t-elle été très surprise de la nouvelle que vous lui annonciez ?»« Oh oui, surprise et charmée !» Les sourcils, qui formaient un bel arc au-dessus des yeux de Gemma, eurent un rapide froncement. Ce mensonge de Mao lui déplaisait fort après ce qu'elle venait de lui dire au sujet de ce mariage. Mais il était impossible de protester autrement que par le silence contre une telle affirmation. Elle rencontra à ce moment le regard de Salvatore. Dans ses yeux noirs, d'une sévère beauté, elle crut discerner une lueur de surprise. « Nous sommes tous ravis, » dit Madame de Camparène. « Mao fera le bonheur de notre cher Lionel, qui, de son côté, ne demande qu'à la rendre heureuse. » Sylvestre, le vieux maître d'hôtel, annonça à ce moment le dîner. Lionel, d'un geste plein de grâce, prit le bras de Mao et l'emmena vers la salle à manger, à la suite de ses grands-parents. Pendant le repas, il ne fut qu'attention et sourire pour sa fiancée. Mao laissait voir ingénument son allégresse. Elle rivalisait de gaieté avec Brigida, très en verve, qui racontait des potins de Cannes et de la côte. Son voisin, Salvatore, restait presque silencieux et ne semblait prendre aucun intérêt à ce qui se disait autour de lui. Dans son visage, aux traits nettement frappés, les yeux seuls semblaient vivre, allant de l'un à l'autre, s'arrêtant plus longuement sur Mao, se détournant de la souriante figure de Lionel. Plusieurs fois, Gemma les rencontra et y revit cette expression attentive, un peu curieuse, déjà remarquée auparavant. Vers la fin du repas, M. de Camparène demanda à Gemma son impression sur M. de Rambertin et sa fille. Elle dit combien il lui avait été sympathique et quel aimable accueil elle avait reçu d'eux. Alors la voix de Salvatore s'éleva. « Ce sont d'excellentes gens, mais comme beaucoup de leurs pareils, ils se figurent que tous les autres sont semblables à eux et commettent ainsi des erreurs préjudiciables au prochain. » « Comment cela ? » dit M. de Camparène. Il regardait son petit-fils avec étonnement. « De quelles erreurs veux-tu parler ? Je ne vois pas ce que tu peux leur reprocher à ce sujet. » Lionel ricana légèrement. « C'est que, cher grand-père, Salvatore doit vous ranger dans la même catégorie que ces gens à courte vue. Du haut de son intelligence supérieure, il nous considère tous comme des aveugles ou des faibles d'esprit. » Gemma vit se contracter les lèvres de Salvatore comme s'il retenait des paroles prêtes à s'en échapper. À ce moment, sans doute dans la crainte d'un conflit entre les deux cousins, Madame de Camparène se mit à le questionner sur le récent séjour qu'il venait de faire à Paris. Il parla de concerts entendus, de pièces de théâtre. Sa physionomie s'animait légèrement. Gemma l'écoutait avec intérêt. Elle aimait cette netteté dans l'analyse, cette hauteur morale qu'attestaient les jugements de Salvatore. Brigida Cernine semblait boire ses paroles. Lionel affectait de ne pas écouter son cousin et causait avec sa fiancée. Laetitia, silencieuse, semblait rêver. Après le dîner, Lionel et Mao firent de la musique. La soirée était si tiède que l'on avait ouvert les portes-fenêtres. Salvatore s'étonnait au seuil de l'une d'elles et fumait en regardant les parterres éclairés par la lune. Laetitia s'approcha, lui demanda une cigarette. Elle resta près de lui, sans parler, le regard perdu aussi dans cette nuit claire où passaient des parfums printaniers. À peine, parfois, échangeait-il quelques paroles. De sa place, Gemma voyait Salvatore de profil et elle remarquait la froideur de sa physionomie. Elle devinait au mouvement des lèvres la brièveté de ses réponses. Non, il ne paraissait pas très aimable, l'aîné des petits-fils du comte de Camparène. Il prit congé peu après, pendant un morceau que jouait Lionel, et Gemma pensa que la musique de son cousin le faisait fuir. Lionel lui-même confirma cette opinion, quand, s'apercevant du départ de Salvatore, il dit avec un petit rire sarcastique « Ce cher ami m'avait assez entendu. Il n'a pu soutenir jusqu'au bout cet héroïque effort. » « Je ne puis comprendre cela, » dit vivement Mao. « Un musicien tel que vous, moi, je ne me lasserai jamais de vous entendre. » « Oh, vous, cher, très cher, vous savez comprendre ce que j'exprime par ma musique. Vous n'avez pas l'âme compliquée d'un Salvatore, heureusement. » Un regard d'une féline douceur accompagnait ces mots. Gemma, une fois de plus, songea, le cœur serré. « Comment Mao peut-elle aimer ces yeux-là » Puis elle pensa aux paroles de Salvatore, tout à l'heure, au jugement qu'il avait porté sur les Rambertins. Faisait-il allusion au mariage de Juliette de Nègrelide arrangé par eux? Cette jeune femme avait-elle été malheureuse près de l'inquiétant Lionel?